Assez pour aujourd'hui. Votre exécution est remarquable par la précision, l'ensemble, la chaleur. Vous avez même reproduit plusieurs nuances fort délicates. Vos progrès sont manifestes. Je vois que vous pouvez aborder maintenant des compositions d'un ordre beaucoup plus élevé que cette faible esquisse. Adieu, mes amis. Je suis souffrant. Laissez-moi seul.